A one, a two, a one, two, a one, two, three, four. Salut, salut, salut, comme tous les dimanches, Lost in Space, votre rendez-vous rock, punk, musique expérimentale du 100 FM radioactive, c'est immédiatement à partir de 21h, comme d'habitude, jusqu'à minuit, et on attaque avec la scène locale, les benders que vous avez pu voir normalement ce vendredi à l'hélice, si vous avez été sage, il y avait Bender, Taïwan Balek et Guérilla Poubelle. Allez, Bender, pour commencer. Et si vous avez besoin des titres, c'est sur la page de la radio. Go! J'aurais voulu mettre à vos pieds une œuvre en harmonie avec vos perfections. Mais si c'était chose impossible, je savais comme consolation répondre à l'un de vos instincts en vous offrant quelque chose à protéger. La France, et la Bretagne particulièrement, possède encore aujourd'hui quelques villes complètement en dehors du mouvement social qui donne au XIXe siècle sa physionomie. Faute de communication vive et soutenue avec Paris, à peine liées par un mauvais chemin avec la sous-préfecture ou le chef-lieu dont elles dépendent, ces villes entendent ou regardent passer la civilisation nouvelle comme un spectacle. Elles s'en étonnent sans y applaudir. Et soit qu'elles la craignent ou s'en moquent, elles sont fidèles aux vieilles mœurs dont l'empreinte leur est restée. Qui voudrait voyager en archéologue moral et observer les hommes au lieu d'observer les pierres, pourrait retrouver une image du siècle de Louis XV dans quelques villages de la Provence, celle du siècle de Louis XIV au fond du Poitou, celle de siècles encore plus anciens au fond de la Bretagne. La plupart de ces villes sont déchues de quelques splendeurs dont ne parlent point les historiens, plus occupé des fêtes et des dates que des mœurs, mais dont le souvenir vit encore dans la mémoire comme en Bretagne, où le caractère national admet peu l'oubli de ce qui touche au pays. Beaucoup de ces villes ont été les capitales d'un petit état féodal, comté, duché, conquis par la couronne ou partagé par des héritiers, faute d'une lignée masculine. Déshérités de leur activité, ces têtes sont dès lors devenues des bras. Le bras, privé d'aliments, se dessèche et végète. Cependant, depuis 30 ans, ces portraits des anciens âges commencent à s'effacer et deviennent rares. En travaillant pour les masses, l'industrie moderne va détruisant les créations de l'art antique, dont les travaux étaient tout personnels aux consommateurs comme à l'artisan. Nous avons des produits, nous n'avons plus d'œuvres. Les monuments sont pour la moitié dans ces phénomènes de rétrospection. Or, pour l'industrie, les monuments sont des carrières de moellons, des mines à salpêtre ou des magasins à coton. Encore quelques années, ces cités originales seront transformées et ne se verront plus que dans cette iconographie littéraire. Take a deep breath. You were the only one holding it last. What a strange creature, this tentacle teacher. You're learning many things that you should always have forgot. Like make a big splash. No divers ever waited for me. Tin Man's Cue, Tin Man's Cue. shoe that I never can't afford, and it's boring wasting new potions on grass. Une des villes où se retrouve le plus correctement la physionomie des siècles féodaux est Guérande. Ce nom seul réveillera mille souvenirs dans la mémoire des peintres, des artistes, des penseurs, qui peuvent être allés jusqu'à la côte où gît ce magnifique joyau de féodalité, si fièrement posé pour commander les relais de la mer et les dunes, et qui est comme le sommet d'un triangle au coin duquel se trouvent deux autres bijoux non moins curieux, le Croisic et le bourg de Batz. Thank you. Après Guérande, il n'est plus que Vitré, situé au centre de la Bretagne, Avignon dans le Midi, qui conserve au milieu de notre époque leur intacte configuration du Moyen-Âge. Encore aujourd'hui, Guérande est enceinte de ses puissantes murailles. Ses larges douves sont pleines d'eau, ses créneaux sont entiers, ses meurtrières ne sont pas encombrées d'arbustes, le lierre n'a pas jeté de manteau sur ses tours carrées ou rondes. Before

situe au premier étage, le salon où l'on pénétrait. Après avoir monté le grand escalier et traversé deux petites chambres très sombres, était éclairé par deux fenêtres donnant sur le jardin. La lumière, ménagée par de doubles rideaux, laissait cette pièce dans une demi-obscurité, mystérieuse et douce. La première impression avait quelque chose de religieux, en rapport avec le lieu même et avec ses hôtes. Salon étrange, en effet, entre le monastère et le monde, et qui tenait de l'un et de l'autre. D'où l'on ne sortait pas sans avoir éprouvé une émotion profonde et sans avoir eu, pendant quelques instants, fugitif et inoubliable, une claire vision de ces deux choses idéales, le génie et la beauté. Fridays in the week is done. I'm stuck in a job that I don't want no more. Some time to waste away. Maybe catch a film, go somewhere far away. Getting rid of music on. Strummer singing Tommy Gunn. If they don't wanna hear that, they can jump. People get into my mind, but I don't care what they might find. If they don't like it, they can take a chunk. I sometimes get misunderstood, misquoted, misinterpreted. You knew they would. They think they should, but I don't care, 'cause I can say, I tell it as it is, because it's best that way. Though some won't see it so, they are ugly on both sides. Fights and reptiles in disguise. Into the gates of hell they can jump. Raise a glass to raps and friends, and whisper words we wish we'd say. We're not here long enough, so take a jump. Yeah.

J'entreprends dans un âge avancé en 1850 d'écrire l'histoire de ma jeunesse. N'est pas d'intéresser à ma personne. Il est de conserver pour mes enfants et petits-enfants le souvenir cher et sacré de celui qui fut mon époux.

Je ne sais pas si je pourrais raconter par écrit, moi qui à 12 ans ne savais pas encore lire. Je ferai comme je pourrai. We'll be right back. je vais prendre les choses de haut et tâcher de retrouver les premiers souvenirs de mon enfance. Ils sont très confus, comme ceux des enfants dont on ne développe pas l'intelligence par l'éducation. Je sais que je suis né en 1775, que je n'avais ni père ni mère dès l'âge de 5 ans, et je ne me rappelle pas les avoir connus. Ils moururent tous deux de la petite vérole dont je faillis mourir avec eux. L'inoculation n'avait pas pénétré chez nous. Je fus élevé par un vieux grand-oncle qui était veuf et qui avait deux petits-fils orphelins comme moi et un peu plus âgés que moi. We got a new generation expecting easy outs. They set them off from the bedroom, forgot the way to shout. Cette trilogie, avant l'exil, pendant l'exil, depuis l'exil, n'est pas de moi, elle est de l'empereur Napoléon III. C'est lui qui a partagé ma vie de cette façon, que l'honneur lui en revienne. Il faut rendre à César ce qui est à Bonaparte. That's what you get, boy, when you mess with me here. 100 pounds of trouble. Glasses so thick, my trousers flare. My teeth really stick out. So cross-eyed, it's almost red. But you just laugh a little too loud. 100 pounds of trouble. That's what you get, boy. That's what you get, boy, when you mess with me. 100 pounds of est très bien faite et l'on pourrait dire selon les règles de l'art. Chacun de ces trois volumes contient un exil. Dans le premier, il y a l'exil de France. Dans le deuxième, l'exil de Jersey. Dans le troisième, l'exil de Belgique. You can kiss my ass, but I'm interested in you anyhow. I'm just interested in the B-boy, so fuck you, my man. Yeah! hanging out a fucking Navina. Hanging out, man, a fucking Navina. Or I am a fucking Navina. Une rectification pourtant, l'exil pour les deux derniers pays est un mot impropre. Le mot vrai est expulsion. Il n'y a d'exil que de la patrie. Don't bend or don't trust, you wouldn't turn my pages. Now you're

dans son foyer natal le jour des catastrophes, être ramené par des événements qui vous indignent, avoir longtemps appelé la patrie dans sa nostalgie et se sentir insulté par la complaisance du destin qui vous exauce en vous humiliant. Être tenté de souffleter la fortune qui mêle un vol à une restitution, retrouver son pays, Dulcès Argos, sous les pieds de deux empires, l'un en triomphe, l'autre en déroute, franchir la frontière sacrée à l'heure où l'étranger la viole. Oh, poussant au maximum le grossissement des télescopes, Bauman avait l'impression de dominer un globe légèrement aplati, dont les nuages s'étaient rassemblés en longues bandes sous l'effet de la rotation rapide. Donc ça peut sembler contradictoire, mais justement, moi, ça m'intéresse de faire un travail où il n'y a pas de visuel, ça m'intéresse de faire un travail où, quand il y a du visuel, ben, il y a du visuel, donc on l'assume et puis on travaille avec. Et puis quand j'écris des poèmes, ben, il n'y a pas de visuel non plus, enfin, je veux dire, je ne peux pas des images avec, moi j'écris des poèmes. Voilà, donc c'est des choses, c'est presque des métiers différents pour moi. Qui va faire en France, sera un dragon Je pense